Non, ne me demandez pas, voix 3. Om, aum, aum, aum, aum, aum, aum, dum, dum, badum, badum, aum, aum, aum, aum, aum, bada. Cette politique-là.